premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de nos relations à la viande. Ce matin, deux invités nous présentent les nouvelles recherches sur les interdits alimentaires. La semaine, nous parlerons des relations des humains à la viande. Demain, du siège de Paris en 1870, mercredi de la question de l'anthropophagie et jeudi de l'histoire de la découpe des animaux. Dans cette émission d'aujourd'hui, co-animée par Anaïs Quien, nous allons cheminer de l'Égypte ancienne à l'Occident médiéval avec Youri Volokhine en première partie de cette émission. Il est maître d'enseignement et de recherche en histoire des religions à Genève. Nous nous demanderons pourquoi Hérodote a affirmé que le cochon était impur en Égypte pharaonique alors que les archéologues zoologues trouvent des traces de sa consommation massive dans cette même Égypte populaire. Avec Bruno Loriot en seconde partie, il est professeur d'histoire du Moyen-Âge et de l'alimentation à l'Université de Tours, président de l'Institut des hautes études sur l'alimentation. Eh bien, nous nous demanderons comment savoir quels interdits alimentaires étaient réellement respectés dans l'Occident médiéval et chrétien. Nous parlerons du lièvre, du cheval et du chouka, mais aussi de la viande étouffée. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Et bonjour à vous, Youri Volokhine. Vous êtes en duplex depuis les studios de nos confrères de la RSR qui vous accueillent donc à Genève où vous enseignez. Ce qu'on entend là, c'est une danse de Iba Mastaba des Hidou des Antekofer, donc composée par le chef d'orchestre de l'ensemble Hathor, Raphaël Arroyo. Est-ce qu'il est aussi difficile de s'imaginer ce qu'était la musique du temps de l'Égypte, de, je ne sais pas, du Moyen-Empire, par exemple, que de s'imaginer ce qu'était véritablement la question des interdits alimentaires, comme vous le faites dans votre propre travail, Youri Volokhine? Ah, c'est à peu près le même type de travail hein, qu'il s'agit de faire pour constituer la musique pharaonique, c'est-à-dire qu'on peut avoir une idée de certaines choses, mais on n'en a pas la saveur exacte. Ouais, c'est ça. Et donc la saveur, en l'occurrence, de la consommation, par exemple, du porc en Égypte ancienne, vous y travaillez depuis un certain temps. Vous travaillez justement sur les idées qu'on s'en fait, les idées qui ont été colportées en particulier par les auteurs grecs, et le premier d'entre eux étant Hérodote, sur le fait qu'on ne consommait pas de porc en Égypte ancienne. Et vous nous racontez que tout prouve exactement le contraire et qu'il faut évidemment nuancer cette appréciation d'un auteur grec qui voulait peut-être voir en miroir à la civilisation qui était la sienne ou à la culture qui était la sienne, une culture qui était extrêmement différente et qu'il découvrait. Tout à fait, c'est bien la question. Hérodote, comme d'autres historiens grecs, invente en quelque sorte l'histoire d'un regard posé sur les coutumes et les mœurs des autres, en l'occurrence les Égyptiens, ceux qui m'intéressent. Et il s'agit de prendre en compte les informations données par les auteurs grecs, tout en reconnaissant qu'elles sont en partie et même grandement subjectives, et qu'il s'agit de les confronter à la documentation égyptienne. Ça, c'est un peu pour la question en tout cas alimentaire, c'est important. Hérodote dit des choses, il faut savoir qu'il les dit, et en même temps, après, eh bien, il faut vérifier qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Mmh. Anaïs Quien. Oui, Youri Volokhine, il y a un événement que vous avez repéré, un événement mythologique, Dorus blessé à l'œil par un porc représentation du dieu Seth, l'adversaire d'Horus, qui serait à l'origine... si ce n'est d'une interdiction générale de la consommation du porc, de son interdiction en contexte sacré. Voilà, alors il y a effectivement dans les textes égyptiens un mythe qui est attesté dès le Moyen Empire, en tout cas, il y a peut-être des antécédents mais ils sont difficiles à tracer exactement, où le cochon est, le porc, est un animal qui va blesser Horus. Ce qui ne veut pas dire que l'animal est maudit, hein, simplement qu'il est l'opposant, l'ennemi d'un dieu qui a une place importante. Alors, dans ce cadre-là, associé à Horus et à tout ce qui peut être autour de ce monde-là horien, on peut penser que le cochon va, à partir de ce moment-là, être potentiellement pris en mauvaise part. C'est difficile de dire si c'est là que s'originent certains interdits, hein, s'il y en a vraiment, ça c'est une question qu'il faut discuter, parce qu'il faut reconnaître qu'est-ce que peut vouloir dire un interdit en Égypte. Mais en tout cas, c'est une balise, ce mythe est important. C'est-à-dire que, contrairement à des données qui sont celles, par exemple, du monde biblique, là on nous explique en quelque sorte en Égypte pourquoi on va pas apprécier, ou on pourrait ne pas apprécier cet animal-là. Bien, parce qu'il a blessé Horus, voilà. Par sa gourmandise, peut-être, ou bien par sa voracité, voilà. Et d'ailleurs, c'est un ennemi inventé, un nouvel ennemi, un traître d'une certaine façon, puisque jusqu'à cet événement mythologique, jusqu'à cette agression, ce porc qui chique la joue et l'œil d'Horus, si on comprend bien, les porcs étaient pourtant sacrifiés en l'honneur d'Horus. Alors, c'est une invention d'un ennemi. Oui, peut-être. Oui, c'est ce que dit le texte. C'est l'explication donnée par les textes des sarcophages qui disent voilà, à partir de ce moment-là, eh bien, on va écarter le porc d'Horus, alors que auparavant il l'appréciait. Voilà. Mais c'est difficile de mettre directement en lien un texte mythologique avec les pratiques humaines. Et en l'occurrence, ça c'est le point qui pour moi était le plus important dans mes recherches, c'est de bien montrer que les questions alimentaires, en tout cas, on a un axe d'entrée qui concerne le monde sacerdotal. Vous avez dit monde sacré, moi je dirais plutôt monde sacerdotal, c'est-à-dire c'est le monde des temples, le monde des prêtres, avec l'ensemble des règles qu'ils s'imposent, qui peuvent concerner le porc, mais qui concernent des dizaines et des dizaines d'autres animaux ou objets. Donc, il n'est pas emblématisé, le cochon, pas plus que les autres. Oui, ce qui est d'ailleurs très intéressant, et ça rassemble votre travail avec celui de notre deuxième invité tout à l'heure, Bruno Loriou, c'est que on a des textes, dites-vous, ces textes sont souvent issus justement de ce monde sacerdotal, comme ça peut être le cas aussi des pénitentiels sur lesquels travaille Bruno Loriou, mais évidemment ces textes, ils sont là, il faut s'en méfier. Parce qu'on a d'autres sources, et vous insistez beaucoup sur ces sources, sources mythologiques, vous l'avez dit, cette question de la mise à l'écart, du rejet, du porc dans cette vision donc de cette histoire mythologique avec Horus, et le porc noir de Seth, d'une certaine façon, qui l'a blessé, mais aussi des sources archéologiques, et vous dites, eh bien, tout compte fait, alors qu'Hérodote nous dit qu'il y avait un interdit sur le porc en Égypte ancienne, s'il y avait vraiment un interdit, on ne retrouverait pas autant de traces de consommation du porc dans l'alimentation populaire. Et ça vous oblige aussi à déterminer à sortir des catégories toutes faites et à dire, ben voilà, il y a peut-être une histoire du porc, une histoire de la truie à faire en Égypte antique parce qu'elle n'a pas le même statut. Parce que la truie sauve le porc. Oui, parce que voilà, oui. C'est ça. et puis parce qu'il faut faire aussi une histoire peut-être sociologique de cette consommation du porc. Est-ce qu'il y aurait d'un côté un mépris aristocratique pour cet animal, et puis de l'autre côté, aristocratique bien entendu, entre guillemets, puis de l'autre côté une consommation qui serait laissée au peuple. Enfin, en tout cas, vous dites, toutes ces questions de ce qu'on appelait, et c'est un mauvais terme selon vous, un tabou alimentaire, en l'occurrence, toutes ces questions nécessitent qu'on s'en rapproche avec beaucoup de précaution, Youri Volokhin. Voilà, c'est ça. Il faut faire attention au vocabulaire qu'on utilise. Effectivement, tabou, ça convoque quelque chose d'un peu massif et impressionnant qui nous a hérité de l'anthropologie du 19e. Et il faut un peu se méfier des concepts trop englobants lorsqu'on se rend compte justement, vous avez dit ça de manière exacte, que dans la société égyptienne, il y a des niveaux différents et que les viandes, par exemple, peuvent être liées à des processus de valorisation de telle ou telle espèce ou au contraire de dévalorisation. Alors le cochon, d'après ce qui semble, hein, si on fait la part des choses entre les informations données par l'archéologie, l'archéozoologie et également par les textes qui ne parlent pas le même langage, eh bien on a assez clairement l'impression que, du moins à certaines périodes, parce que ça peut varier, eh bien le cochon n'est pas un animal valorisé. On est valorisé par des bœufs, on est valorisé par ce type de ce type d'animal un peu plus prestigieux. Mmh. Et puis le cochon, il est laissé un peu à la traîne, on va pas trop le montrer. Quoi qu'il en soit, ceci doit être nuancé, parce qu'on se rend compte par exemple qu'à la 18e dynastie, dans les tombes thébaines notamment, c'est-à-dire à Louxor actuel, il y a eu une vague où on commence à représenter sans précaution aucune de vastes troupeaux et dans lesquels on voit des porcs, on voit des cochons. On a aussi récemment étudié une scène du Moyen-Empire. On se rend compte également que dans les tombes du Moyen-Empire, en Moyenne-Égypte, on peut aussi représenter des troupeaux de cochons. Donc c'est variable. Mais la question qui est importante, c'est que, en tout cas, au niveau funéraire, c'est-à-dire au niveau des offrandes type que l'on juge être celles qui sont dignes pour les morts, à ma connaissance, on ne va jamais faire figurer de la viande de porc, par exemple. C'est pas le genre de choses qu'on pense être c'est pas le caviar, si vous voulez, c'est pas la meilleure nourriture, c'est quelque chose de tous les jours. Donc c'est pas très glorieux. Oui, Yuri Volokhin, dans la mythologie elle-même, apporte d'ailleurs de la complexité à cette image du porc, puisque si le porc est condamné suite à cet événement, à cette agression d'Horus, par contre la truie, représentant la déesse Nout, elle est un animal éminemment positif, puisqu'elle elle fait renaître la nuit et le matin, elle avale Ségorée, mais Ségorée représentant les astres qui renaissent selon leur nature la nuit et le matin, et dans cette mythologie là elle est fondamentale dans les cycles même du temps vu par les Égyptiens. Donc cette femelle étant éminemment positive et ce mâle étant devenu éminemment négatif à la suite d'un événement qu'on a un petit peu de mal à s'expliquer dans la société profane, cette complexité-là est intéressante. Peut-être qu'elle rejoint aussi à la fois cet interdit rituel sacerdotal dont vous parliez, qui est redoublé par pourtant une consommation et une présence très grande du porc en Égypte de cette période. Oui, alors dans le travail que j'ai consacré à ce sujet, j'avais été frappé justement par le fait qu'il y a mythologiquement un statut très différent de la truie. Et cette dimension de genre m'a paru fortement intéressante, parce que je me suis demandé s'il y avait des corrélations entre ces faits mythologiques et les données liées à la consommation humaine. C'est-à-dire, en somme, est-ce qu'on mangeait plutôt les mâles que les femelles, hein? Alors ça, c'est une question, c'est assez difficile de répondre, étant donné que la plupart des rapports archéologiques que l'on a, quand on trouve des os de porc, moi je trouve marqué os de porc, mais c'est pas marqué porc mâle ou porc femelle. Donc je peux pas vraiment apprécier cette question-là. Alors il est vrai que le même événement, c'est-à-dire la voracité, marque mythologiquement l'animal, sauf que la voracité de la truie est vue d'une manière différente, comme vous venez de le rappeler, c'est-à-dire qu'elle avale certes ses enfants, mais ils vont à l'intérieur de son ventre. Or, comme elle a une forme de la déesse du ciel, l'intérieur du ventre de la déesse du ciel, c'est un espace de gestation, donc c'est un espace de vie, et elle les fait renaître. Et donc, il y a une valeur très maternelle et positive de la truie, ce qui fait que c'est la contradiction totale avec ce qu'on pourrait penser d'un interdit du cochon, où on a des amulettes de protection pour la maman. En faïence bleue. Enfants. Voilà, c'est ça, par exemple, qui représente des truies. Alors ça, c'est ce qui est très intéressant, c'est que vous insistez sur cette ambiguïté, sur cette différence, et en particulier de genre autour de ces deux animaux, le porc et la truie. Mais vous insistez aussi sur le fait que on peut avoir un temple, par exemple, comme à Abydos, un temple d'Osiris, où on a des troupeaux de porcs, donc ce qui complexifie encore ce que vous disiez tout à l'heure, et ce qui nous met dans un grand embarras, pourrait-on dire, Yuri Volokhin, c'est-à-dire que on est d'un côté avec des aristocrates ou des gens de la profession sacerdotale qui, a priori, n'aiment pas le porc, mais qui, par ailleurs, possèdent de nombreux troupeaux de porcs, et donc on est un peu interdit, sans faire de jeu de mots, vis-à-vis de tout cela. Oui, mais moi, ça ne me met pas dans l'embarras, ça me réjouit, au contraire. C'est-à-dire que la pensée égyptienne n'est justement pas normative à ce point-là. C'est-à-dire que si un animal peut se trouver mal pris dans un mythe et puis tout d'un coup, on va pas l'apprécier, eh bien, c'est pas pour autant que on va forcément en tirer des conclusions. Ça, c'est nous qui sommes un peu comme ça. Donc, les Égyptiens n'étaient pas tout à fait comme nous. Ils n'appliquent pas forcément, en tout cas, à l'ensemble du peuple et à toutes les circonstances les interdits religieux. Ce qui est important de voir, c'est que les interdits religieux concernent certes certains animaux, mais pas probablement pas pour toute l'année. C'est lié à certaines périodes, à certains moments, lié à certaines fêtes, mais le reste du temps, on peut penser aussi que on peut être très lâche sur certaines règles. Vous voulez dire que c'est plus proche de la pratique du carême qu'on peut connaître et dont on parlera tout à l'heure avec Bruno Lorioux, c'est-à-dire à un moment donné, on s'interdit de manger certains aliments, mais ça ne veut pas dire que le reste de l'année, on se les interdit. Exactement, on a des papyrus et des textes égyptiens, des calendriers, d'ailleurs qu'on appelle calendrier des jours fastes et néfastes. Et souvent, cette description de cette sorte d'année liturgique, il est marqué ce jour ou ces jours-là, on ne va pas manger tel ou tel animal. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des jours où on c'est pas que l'animal est impur, si on n'en mange pas, au contraire. Il y a des jours où on ne va pas manger de pain, par exemple. Donc c'est des sortes de carême, oui. Anaïs Kien. Et Yuri Volokhin, si l'image du porc est aussi néfaste, agressif, vorace, pourquoi n'arrive-t-il pas d'une certaine façon? Est-ce qu'on peut interpréter cette image du porc tractée par les interdits rituels comme une tentative d'appliquer à la société entière un interdit qui ne s'exerce au départ que sur les lieux de culte? Alors, je pense qu'en Égypte, on n'a jamais appliqué d'interdit à la société entière. C'est-à-dire que tout ce qui est interdit concerne le monde des temples et ce qui s'y rattache. Si vous voulez rentrer dans un temple, là, vous êtes soumis à des règles d'interdit qui sont extrêmement sévères, strictes. Il y a même des gardiens de porte qui peuvent être là dans les temples pour garder si vous avez une tête qui vous permet de rentrer dans le temple, puisque on a par exemple un texte assez extraordinaire qu'on appelle Manuel du Temple, où on va décrire qui peut rentrer, mais en se fiant à sa bonne ou mauvaise mine. Voilà. Alors ça, c'est pour le temple. Pour le reste, il n'y a pas a priori, il n'y a pas réellement d'interdit normatif. Il n'y a pas de dogme général, en l'occurrence. Non, il n'y a pas de dogme général, même si on peut penser que dans certaines régions, tel ou tel animal est mythologiquement valorisé et tel ou tel animal est mythologiquement détesté. Alors ça, c'est quelque chose qui va être qui a beaucoup intéressé les auteurs grecs, qui vont en faire même des clichés sur les détestations en Égypte, où il y a une région où on adore le crocodile et une région où on le déteste. Anaxandride le comique, dites-vous, met en scène un prêtre égyptien circoncis qui déteste le porc, par exemple. Et voilà. C'est un jeu, justement, entre les Grecs qui regardent les Égyptiens, et vous dites que sur cette question, par exemple, quand les Grecs réfléchissent à cette question de l'interdit du porc, et en particulier chez les Juifs, ils passent d'abord par l'Égypte parce que, selon eux, dites-vous, l'Égypte annonce la Judée en la précédant dans des pratiques religieuses qui sont étrangères aux Grecs. Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque dans la conscience grecque va commencer à émerger le monde judéen, eh bien, on a déjà réfléchi aussi sur des peuples orientaux un peu bizarres qui ont une classe sacerdotale influente et puissante, comme en Égypte. puisque c'est celle qui détient le pouvoir, il faut quand même voir la chose de cette manière-là. Le roi est un prêtre en Égypte. Et donc, le regard grec sur l'interdit juif passe par le discours grec sur l'Égypte. Et je pense que ça a des conséquences importantes, puisque finalement, notre propre regard sur les interdits passe par le regard grec. Ah oui, bien sûr. Anaïs, qui a... Oui, Yuri Volokhin, nous sommes entièrement contre ça jusqu'à présent à la viande de porc, mais il existe des discours rituels, des discours sociaux aussi tout aussi riches autour d'autres viandes consommées potentiellement par l'humain et qui font l'objet d'un traitement à la fois mythologique et réglementaire très spécifique. Le poisson, le mouton, tout de la même façon que le porc, charrie avec eux des discours et des pratiques tout à fait intéressantes également à étudier. Oui, c'est ça. C'est tous les animaux en Égypte sont susceptibles, lorsqu'ils sont liés à l'alimentation, notamment, sont susceptibles de poser ces questions-là. Il y a d'autres animaux qui ne sont pas liés à l'alimentation et qui sont aussi pris dans des réseaux d'interdits, hein, qu'on va détester ou pas détester, comme le chien, par exemple. Ça peut arriver. Mm-hmm. Vous dites, par exemple, en citant Pascal Vernus, un autre grand égyptologue, vous dites que, par exemple, pour les poissons, d'un côté, ils peuvent être tenus par des manifestations comme des manifestations de la divinité. Et de l'autre côté, on peut interdire la consommation de poissons parce que c'est un aliment considéré impur. Et Pascal Vernus dit, ben, il y a d'un côté on sacralise, de l'autre côté on stigmatise. Et ça n'est pas contradictoire. Enfin, ça ne pose pas de problème visiblement dans la société égyptienne antique, alors que ça nous en poserait dans d'autres sociétés où l'interdit alimentaire est plus raide, mettons. Et voilà, ce qu'il fallait démontrer, c'est-à-dire que peut-être un des petits intérêts anthropologiques de cette recherche sur l'Égypte, c'est de montrer que les sociétés humaines ne sont pas forcément noires ou blancs sur certains sujets, et qu'on peut laisser la place ouverte. Alors en tout cas, les Égyptiens nous laissent avoir, nous montrent un système religieux où l'alimentation est prise en compte, mais où cette alimentation n'est pas essentialisée comme une marque identitaire crucial pour la définition de l'identité humaine. C'est important, oui. C'est très intéressant parce que, par exemple, vous nous dites, et alors là, j'ai utilisé beaucoup ce terme-là la semaine dernière quand on parlait de l'histoire de la faim, c'est contre-intuitif, en l'occurrence, c'est que le mouton est peu consommé, voire pas consommé du tout, alors que la chèvre est un plat de qualité en Égypte antique, c'est ce que vous dites. Oui, ça c'est une question un peu complexe, le statut des moutons en Égypte. Hein, c'est que, là non plus le mouton n'est pas dans les listes d'offrandes, le mouton n'est pas cité dans les chairs spécialement appréciées. Mais on a des problèmes, je dirais, de lexique. C'est que déjà, il faut bien reconnaître que les Égyptiens n'ont pas nos catégories concernant le monde animal. Il n'y a d'ailleurs pas de mot animal en Égypte. C'est déjà, bah déjà. Faut voir. Oui. Donc il y a des termes qui peuvent désigner les capridés et autres, où on pourrait prendre, par exemple, mouton et chèvre en même temps. C'est un mot out. Voilà, c'est le bétail, le petit bétail. Mais dedans, il y a plein de choses. Il peut y avoir les ânes aussi. Bon. Donc c'est un peu problématique. Mais on a aussi des indices sur le fait que, eh bien, le mouton pouvait ne pas être consommé justement parce que l'animal pouvait être considéré comme trop sacré, trop lié à certaines divinités. Amon, en particulier. Voilà, c'est ça, dans le cas de Thébain, peut-être. Hein. Alors le problème, c'est que l'analyse archéozoologique des ossements de moutons ou de chèvres n'est pas toujours concluante parce que à moins d'avoir des restes de cornes ou autres, on peine à désigner un os comme étant un os de chèvre ou un os de mouton. Vous êtes moins aidé par les archéologues pour ces deux catégories que pour le porc, c'est ça? Tout à fait, et certains écrivent même chèvre-mouton pour désigner un os indéterminé. Alors là, c'est un peu plus embarrassant. Mais la question est intéressante aussi comme objet de réflexion. Oui. Merci en tout cas d'avoir réfléchi avec nous, Yuri Volokhin, sur cette question des interdits alimentaires à travers la consommation des animaux, donc dans l'Égypte ancienne, dont vous êtes spécialiste. Je rappelle que vous êtes chercheur et maître d'enseignement et de recherche en histoire des religions à l'Université de Genève. Merci encore. Merci beaucoup. je retrouve les mêmes idées chez les pères de l'Église ou chez les théologiens du Moyen-Âge. Cette idée que le cochon ne lève jamais la tête pour regarder le ciel, mais regarde toujours vers le sol pour chercher de la nourriture, c'est celle de la bête impure et de l'homme pécheur qui se détourne de Dieu, qui ne regarde pas Dieu et qui préfère les plaisirs de ce monde. Cette idée est déjà chez Platon, que le Moyen-Âge connaît extrêmement bien, dans La République, l'un des textes fondateurs de la culture occidentale. Platon parle de la République des pourceaux, qu'il oppose à la République idéale, à la société idéale. Le cochon est déjà donc l'emblème des biens de ce monde, de la quête de tout ce qui est terre à terre et contraire naturellement au monde des idées qui lui est cher. Pour la théologie médiévale, c'est exactement la même chose. Et le cochon va être le symbole de la goinfrerie, de la voracité, de la saleté, de la quête des biens matériels et de tous ceux qui se détournent du vrai bien. Voilà un extrait de Concordance des temps, l'émission de Jean-Noël Jeannet, c'était en 2009. Il recevait l'historien spécialiste justement de cet animal qui est Michel Pastoureau pour parler justement de ce cochon et en particulier à l'époque médiévale dont vous êtes spécialiste, Bruno Loriot. Rebonjour, bonjour, vous êtes bonjour. Professeur d'histoire du Moyen-Âge et de l'alimentation à l'université de Tours et nous remercions nos confrères de Tours de vous accueillir dans leur studio et vous êtes président de l'Institut d'histoire d'études de l'alimentation, donc à Tours, qui est un institut très important, qui produit beaucoup de savoir et de connaissances autour de cette question de l'alimentation. Et justement, le cochon est un des, disons, des ponts entre le premier sujet dont nous traitions avec Youri Volokhin et Anaïs Quien à l'instant même, et votre thème, puisque c'est une des questions qui se posent, de savoir pourquoi, tout compte fait, cette chrétienté occidentale a rompu avec la pratique justement de mettre à l'écart le cochon des tables. C'est ce dont parlait il y a quelque temps dans La Fabrique de l'Histoire, Massimo Montanari, donc, et son livre « La chair et l'esprit » chez Almain, Bruno Loriot. Oui, merci d'abord d'avoir organisé cette émission, parce que je trouve que la question des interdits alimentaires qui avait été un petit peu... étudié il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, fait un retour sur dans le champ historiographique. Ah bah on le doit effectivement à la situation contemporaine. Effectivement, c'est ça, on n'est jamais à l'écart de ces débats avec le halal ou d'autres questions comme cela. Et on se souvient du livre sur la République et le cochon de Pierre Birnbaum, par exemple, il y a 2 ou 3 ans sur cette thématique-là. Tout à fait. Et donc ça amène les spécialistes des périodes anciennes, je dirais. Je me permets d'annexer à mon propos Youri Volokhin, il m'en voudra pas, je pense. Donc j'ai écouté avec grand plaisir les indications et je regrette beaucoup de pas encore avoir lu ces travaux et je vais me précipiter dessus, bien entendu. Parce que là, je crois qu'il y a des points communs. Le problème, souvent, c'est qu'en fait, on a traité ces questions d'interdit de manière un peu, comme il le dit lui-même, d'un peu simpliste, au fond, en utilisant des termes forts. Le terme d'interdit lui-même est un terme fort, peut-être moins fort que celui de tabou, mais en ne voyant pas, en fait, qu'il fallait pour ça, pour arriver à obtenir véritablement une réponse précise sur l'existence et la nature de ces interdits, de croiser les sources. Donc ça, c'est le point tout à fait capital. Et puis aussi, de bien mettre en relation ce qui est du domaine du normatif, qu'on a eu tendance peut-être à exagérer avec les pratiques. Et les pratiques, c'est pas toujours facile donc à détecter. À discerner, oui. Voilà. Et donc c'est un peu ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec l'appareil scientifique qui est le nôtre, qui a sans doute beaucoup évolué depuis 30 ou 40 ans. Et puis je pense aussi, puisque vous avez fait le lien avec la viande, je pense qu'il y a effectivement quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a un lien très fort entre la question des interdits et la viande. Et là aussi, ça rencontre des préoccupations qui sont des préoccupations ultra contemporaines autour de la viande, autour du rapport aux animaux, et donc qui ramènent le regard des historiens vers ces questions d'interdit de manière un peu nouvelle. Anaïs Quien. Oui, Bruno Loriot, peut-être Vous parliez de crise à l'instant. Il y a notamment une crise au moment du schisme 2054 entre la chrétienté d'Orient et la chrétienté d'Occident. Et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point les questions alimentaires sont au devant de la scène dans ce débat, dans cette discussion qui va se terminer par une rupture au sein même de la chrétienté, une rupture définitive. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose dont je ne m'étais pas rendu compte, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur les interdits alimentaires il y a un petit peu de temps, quelques décennies, disons. C'est que ces questions d'interdits, alors interdits soit d'espèces, c'est-à-dire tels animaux ne sont pas considérés comme pouvant être consommés, donc sont interdits, ou alors ça peut être aussi l'état dans lequel ils se trouvent, et c'est la question des viandes étouffées, je pense, sur laquelle on reviendra. Et ça, c'est un débat qui est au cœur, en effet, du schisme de 2054 et de tout ce qui va s'en suivre, c'est-à-dire de tous les moments de querelle entre la chrétienté d'Orient et la chrétienté d'Occident. Il y a une raison assez simple, hein, si je peux me permettre de sauter tout de suite à la raison, c'est que il y a eu une sorte de fossé qui s'est élargi entre la chrétienté d'Occident et la chrétienté d'Orient sur la question des interdits, et notamment de l'interdit du sang et de la viande suffoquée, qui avait été officiellement admis, récupéré, conservé, au fond, des interdits juifs, quelques décennies après la mort du Christ. Donc c'était devenu une sorte de doctrine officielle de l'Église, et puis qui vont être progressivement, au Moyen-Âge, au 9e, au 10e, abandonnés par l'Église occidentale, alors que l'Église orientale y restera fidèle. Oui, vous dites par exemple qu'une des questions, peut-être, et c'est une des questions en tout cas telle qu'elle est annoncée par Massimo Montanari que je citais tout à l'heure, c'est peut-être ce rapport entre guillemets barbare à la viande valorisée en Occident, qui d'un côté donc serait autorisée sous la pression des fidèles ou de ceux que l'on veut convertir en particulier, parce qu'ils ont une pratique de consommation de viande très intense dans les régions germaniques et dans le nord de l'Europe, par exemple, et de l'autre côté, donc la volonté de rester fidèle à cette tradition venue du Proche et du Moyen-Orient pour ce qui est de l'Église orientale. Effectivement, ça peut être un des éléments. Sûr, voilà. Voilà, ça peut être un des éléments, mais c'est effectivement une hypothèse assez fructueuse, sans doute. Alors, ce qu'il faut voir, et ce qui va dans le sens peut-être de cette hypothèse, c'est que quand il y a des textes qui surgissent au 8e siècle, que ce soit le pape Grégoire III ou le pape Zacharie, qui ont le pape Zacharie écrit à Saint Boniface, qui lui demande ce qu'il faut penser des Germains et de leur consommation des aliments qui sont les leurs, il écrit, le pape Zacharie, « Vous me priez de vous dire lesquels sont acceptables et lesquels doivent être rejetés. En premier lieu, parmi les volatiles, on doit absolument s'abstenir dans une nourriture chrétienne des choucas, des corneilles et des cigognes. De même, on doit encore davantage éviter les castors, les lièvres et les chevaux sauvages. » Voilà. Alors donc, c'est un texte qui paraît assez dur, en effet, qui émane d'un pape oriental, ce qui était le cas aussi de Grégoire III à propos de l'hypophagie. Et donc, c'est peut-être une sorte de raideur, si vous voulez, de raidissement, on va dire, venant de papes orientaux, sans que, et ça c'est un des apports de la recherche récente, notamment d'un article de Alban Gauthier et de Alain Dirkens, qui montre que, au fond, ce texte n'a peut-être pas eu la diffusion que spontanément on lui prête, puisqu'il émane d'un pape. On n'est pas du tout à l'époque du droit canonique du 11e et du 12e siècle. On est en 751. Voilà, donc on est très très tôt. Au fond, c'est peut-être un texte qui est resté un petit peu isolé, disons, dans le développement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, du côté de la viande suffoquée, là, on peut suivre vraiment les textes. Alors justement, de manière peut-être très qu'on claire. Va définir Bruno Lorius, qui est cette viande suffoquée. C'est un animal mort dont le sang n'a pas coulé, mort accidentellement. En fait, il y a plusieurs manières de désigner cette viande suffoquée. Tout à fait. Oui. Alors, ça peut être un animal qui est par exemple C'est le cas dans une description qui est donnée par un pénitentiel originaire d'Irlande, où on voit le pénitentiel d'Adaman, où on voit que on désigne par exemple les animaux qui sont tombés d'une falaise, d'un rocher. En Irlande, c'est important. Et en Irlande, c'est important, en effet. Et puis, également, des animaux qui sont morts, si vous voulez, dans un piège. Les animaux qui ont été déchirés par des bêtes sauvages sans qu'ils aient été proprement égorgés, vous voyez, tout ça définit un vaste ensemble de la viande suffoquée qui était quand même un des interdits majeurs du judaïsme et un des interdits qui était évoqué dans un texte très important de la Genèse où grosso modo, je simplifie beaucoup, je crois qu'on n'a pas le temps que je donne la citation, qui dit on peut manger tout, toutes les bêtes vivantes, tout ce qui meut, tout ce qui est vivant. Il y a tout de même une exception, c'est effectivement le sang et ce qui est resté en contact avec le sang. Hein, donc, c'est-à-dire la viande qui n'a pas été, enfin l'animal qui n'a pas été égorgé. Donc ça, c'était un point quand même un peu capital. Oui. Et quand... Oui, pardon. Allez-y, terminez. Et quand donc quelques décennies après la mort du Christ, il est question de savoir si le christianisme, la secte chrétienne, on va dire ça comme ça, sans offenser qui que ce soit, la secte chrétienne envisage de s'adresser en dehors du judaïsme aux gentils, donc aux païens. La question se pose de savoir est-ce qu'on les oblige aussi à reprendre tous les interdits alimentaires du judaïsme, dont vous savez qu'ils sont extrêmement nombreux, précis et détaillés, et on dit ce qu'on va garder, c'est l'interdiction, bien entendu, de consommer des viandes sacrifiées aux idoles, donc païennes, et puis la viande suffoquée. Oui, ce qui est très étrange, parce que ce que nous expliquait par exemple Massimo Montanari dans La chair et l'esprit, c'est qu'effectivement, une des raisons, selon lui, de la propagation du christianisme, c'était justement le fait qu'il avait réussi, cette nouvelle religion avait réussi à accepter les pratiques alimentaires des endroits où ils se trouvaient, où ils arrivaient en particulier, et qu'on avait même inventé, disait-il, la possibilité de manger le sang ou de boire le sang en mangeant du boudin, par exemple, ou encore, on avait même autorisé à certains endroits l'oleum lardinum, l'huile de lard, donc en considérant que c'était du végétal et non pas de l'animal. Donc on voit bien effectivement que il y a dans cette permanence de la viande suffoquée dans le christianisme, il y a quelque chose d'un peu particulier puisque tous les autres interdits du judaïsme sont levés, celui-ci non. Alors sur le boudin, ça dépend un peu des périodes. Hein, oui, ça dépend des périodes, c'est ce que disait Massimo Montanari. Le boudin, c'est au XIIe siècle, c'est admis. Voilà, mais voilà. Auparavant, ça c'est acquis, en effet. Et je pense que là, on a un vrai tournant. On a un vrai tournant à ce moment-là. Et donc, disons, on a un tournant Xe siècle, à mon avis. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, c'est là que s'installe, en quelque sorte, le malentendu. Sinon, c'est vrai que, normalement, la doctrine du christianisme, c'est il est interdit d'interdire, au point de vue alimentaire. Anaïs Kier. Vous expliquez bien, Bruno Loriot, dans un de vos articles, à quel point la concurrence des deux christianismes se fait rage et va mettre en exergue les différences culturelles fondamentales qui se sont instaurées au fil des siècles entre cette chrétienté orientale et cette chrétienté occidentale, notamment à la faveur de la conversion des Bulgares au IXe siècle qui vont voir justement aux prises ces deux manières d'être chrétien et ces deux religions qui se séparent progressivement l'une de l'autre. Tout à fait. C'est un moment assez clé. Vous avez tout à fait raison d'employer le terme de concurrence. Hein, c'est exactement ça. Donc, entre la chrétienté occidentale latine, dirigée par le pape, et puis la chrétienté orientale, byzantine. Donc, et là, à propos de cette conversion des Bulgares, il y a un enjeu géopolitique, bien sûr, il y a un enjeu aussi religieux. Et donc, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on voit les doctrines peut-être apparaître plus dur, se raidir, hein, comme je le disais tout à l'heure. On voit là clairement les choses. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant, quelle a été un petit peu l'évolution dans ces différents espaces. Parce que pour la chrétienté occidentale, qui est l'espace que je connais le moins mal, disons, effectivement, les pénitentiels nous montrent à la fois une grande stabilité et une certaine évolution, mais ça reste des textes difficiles d'interprétation, comme le disait Manuel tout à l'heure, donc des textes dont on ne sait pas très bien, en fait, à quoi ils correspondent. Est-ce qu'ils ne recopient pas des textes antérieurs? Quel est leur rapport aux pratiques? C'est très compliqué. Oui, une des questions justement sur laquelle se séparent chrétienté orientale et chrétienté occidentale, je l'ai promis aux auditeurs en tout début de cette émission, c'est la question du lièvre. Alors, vous expliquez que Zacharie, le pape grec dont on a cité tout à l'heure l'avis donné à Saint Boniface à propos de la nourriture des Germains, interdit le lièvre. Alors, on peut se dire, mais pourquoi? Alors que, par exemple, on va voir lever cette interdiction du lièvre aux alentours du 8e ou du 9e siècle, vous savez pas, au 10e siècle, dites-vous, Bruno Loriot, dans l'espace occidental de l'Europe, tandis que cette interdiction va se poursuivre jusqu'au 17e siècle dans le clergé russe, par exemple, et que le lièvre est toujours interdit jusqu'au 17e siècle dans cet espace géographique. Et vous dites là, c'est une preuve effectivement qu'il y a une coupure, une rupture entre christianisme occidental et christianisme oriental, et qu'elle est difficile à expliquer, sinon par des visions culturelles de ce qu'est le lièvre, de sa sexualité en particulier, etc. C'est ça. Oui. Oui, excusez-moi. Oui, ça n'apparaissait pas comme tel, mais c'était une question. C'était une question, oui. Donc le lièvre, c'est un cas très particulier et très intéressant, évidemment. Alors je crois que on n'est pas sûr que le lièvre ait vraiment été interdit en Occident, en dehors des fulminations du pape Zacharie. Hein, c'est un peu. Alors il y a des textes un peu ambigus dans les pénitentiels où on dit il n'est pas normal d'interdire le lièvre. Donc si on dit il n'est pas normal d'interdire le lièvre, c'est que quelque part il y a des gens qui l'interdisent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un cas sans doute moins clair que celui de la viande suffoquée, mais c'est un cas effectivement que, comme vous le dites, très très intéressant du point de vue culturel, parce que ça renvoie à une conception des animaux, à l'idée que manger la viande d'un animal, c'est manger aussi les qualités, les vertus, les défauts. Oui, de cet animal. Et Dieu sait si, aux yeux des théologiens anciens, donc dès le deuxième siècle après Jésus-Christ, on a des textes précis là-dessus qui montrent, qui disent que le lièvre, c'est vraiment le pire qu'on puisse trouver. C'est-à-dire, c'est le summum de la lubricité, voire même un symbole de l'homosexualité, nous dit-on, même si le terme n'y est pas, comme vous le savez, il y a des questions là-dessus. De l'homme féminisé, en tout cas. Voilà, c'est ça. Et donc, la pluralité des anus de lièvre. La pluralité des anus du lièvre, donc la superfétation de la hase, enfin tout ça, fait que c'est vraiment l'exemple même de l'animal éviter. Et en Orient, on va continuer à dire que le lièvre n'est pas un animal qu'on doit consommer. Là, il y a une certaine continuité du côté oriental, et puis sans doute une certaine souplesse qui s'installe, ou en tout cas. Mais justement, vous parlez de continuité, ici, Bruno Loriot, ce qui est parfois très contrariant, c'est de ne pas arriver à identifier la rupture, c'est-à-dire le moment où le lièvre devient impropre à la consommation, alors qu'avant, notamment, les Romains en faisaient grand cas, vous le dites. Exactement. Et avaient même créé des leporaria, réserves destinées à leur en assurer un approvisionnement régulier et suffisant. Donc, on passe d'un élevage quasi intensif du lièvre à une interdiction formelle pour des raisons puisées largement dans un imaginaire de l'anthropomorphisme. Et on n'arrive pas à trouver le moment, l'accident, l'événement qui relègue le lièvre en dehors de l'imaginaire gastronomique humain. Oui, alors, de l'imaginaire gastronomique de quelques théologiens, il faut le dire, quand même, qui font grand bruit, mais qui peut-être n'ont qu'une influence extrêmement limitée, parce que là, les travaux quand même des archéozoologues montrent qu'on a continué à consommer du lièvre. Maintenant, est-ce que c'est finalement, une référence ? Finalement, les interdits ne fonctionnent jamais. On a la sensation depuis le début de cette émission que tous les interdits alimentaires sont là de toute façon pour n'être que qu'écrits et très peu appliqués, en tout cas en ce qui concerne le porc et le lièvre. Oui, c'est pas complètement faux, hein. Alors le porc quand même dans le judaïsme, c'est quand même un point crucial, et dans l'islam, c'est tout de même un point important, parce que l'islam n'a pas retenu tous les interdits judaïques, comme vous le savez, mais par contre, sur le porc, il a été extrêmement ferme, et cette fermeté, d'ailleurs, s'est renforcée. Mais ça nous emmène un petit peu loin. C'est vrai, vous avez raison, l'énoncé de l'interdit, il doit être contextualisé, quoi. Soit c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il émerge dans une documentation extrêmement précise, qui a une visée précise, et peut-être quelquefois, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas eu la diffusion qu'on pouvait penser. Et si on ne repère pas le moment où on passe des leporaria romaines à l'interdit du lièvre, au moment de ce passage dans ce sens-là, on ne repère pas non plus tellement le passage, dites-vous Bruno Loriou, entre l'interdiction papale, par exemple, de consommer du lièvre et le fait que, au bout du compte, eh bien, on voit qu'au Moyen-Âge, on en consomme. Donc, vous posez la question à la fois la première date et la dernière date, ça n'est pas très simple. Vous dites que ce sont des évolutions, des pratiques, des regards culturels, peut-être aussi c'est sur le lièvre, et que vous allez même jusqu'à citer John Boswell sur la question de la sous-culture gay du 12e siècle, qui, d'une certaine façon, aurait mis moins à l'écart le lièvre pour ses représentations, justement, d'une homosexualité qui n'a rien à voir avec sa sexualité normale ou régulière, en l'occurrence. C'est ça. Mais j'ai écrit ça il y a 30 ans, il faut le dire, hein. Donc j'étais jeune et fou, hein. Donc voilà. Et depuis. Et donc non, mais je pense que il y a une interférence, hein, incontestablement avec le domaine culturel, avec une image du lièvre qui est très complexe, hein. Effectivement, le terme de lièvre a été utilisé dans les textes du Haut Moyen-Âge pour désigner donc un homosexuel, hein. Ça c'est sûr et certain. Mais après ça, l'articulation de tout ça mérite sans doute d'être approfondie, et surtout le fait que ça soit un vrai interdit encore au 8e et 9e siècle, c'est une question qui n'est pas encore complètement résolue. Je dirais que c'est là-dessus que j'ai évolué en 30 ans. C'est ça. J'ai peut-être moins de certitude, parce ce qui arrive assez souvent, n'est-ce pas ? Et donc, parce qu'on a davantage de textes qui montrent la complexité des choses. Le christianisme occidental n'est pas tout de même une église d'interdit, hein. Le carême qu'on évoquait tout à l'heure, c'est pas un interdit, oui. Hein. C'est une pénitence, hein. Donc c'est même un conseil. Et il n'y a pas, j'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure avec Youri Volokhin, il n'y a pas là non plus, si vous voulez, un corpus normatif extrêmement structuré, même sur le carême. Vous trouverez pas une partie du droit canonique très articulé sur le carême, qui vous expliquera qu'est-ce qu'on doit consommer, qu'est-ce qu'on ne doit pas consommer, etc. Non, on va vous dire quels jours sont possibles, quels jours on doit le faire, etc. Le contenu lui-même, c'est un contenu qui est un peu laissé à l'appréciation des évêques dans des coutumes alimentaires, des habitudes alimentaires qui sont celles de tel et tel lieu. Hein. Donc d'accord. C'est quand même une église souple. Église catholique latine du Moyen-Âge. Voilà, hein. Merci beaucoup Bruno Loriou. On vous lira lorsque sortira Interdit, interdiction et prescription le Moyen-Âge alimentaire, dans le Moyen-Âge occidental. Ça sera dans quelques semaines ou quelques mois aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. Merci encore. Et je crois que vous avez fait aussi un numéro avec l'Institut d'Histoire de l'Alimentation de Tours sur la viande, c'est ça ? Récemment. C'est ça, il y a un livre donc qui est sorti aux presses universitaires François Rabelais qui s'appelle « Pour une histoire de la viande », dans lequel on revient sur ces questions des interdits alimentaires. Merci beaucoup à vous Bruno Loriou et à nos confrères de Tours qui vous accueillaient. Et alors, il est 9h55, il est donc l'heure d'évoquer l'émission de demain, Anaïs Kia. Voilà, demain, un documentaire sur lequel nous avons travaillé ensemble avec Thomas Duterre, qui revient sur cet épisode mythique dont tout le monde a entendu parler, c'est-à-dire le jour où on a mangé Castor et Pollux, les éléphants du jardin d'acclimatation. Je me souviens qu'un jour que je passais sur le boulevard Sébastopol, un homme, au coin d'un trottoir, étalait une grande toile sur laquelle il avait déposé une quantité de boîtes de conserve. Aussitôt, il se forma un grand cercle autour de lui. Il fit un boniment de camelots, et chacun d'acheter de ses boîtes. Moi, je fis de même. J'en ai acheté une assez grande qui me coûta 5 francs. Toute heureuse, je vins à la maison, je fis voir mon achat à ma mère, qui ouvrit la boîte. Les enfants se réjouissaient, ils tapaient des mains. Nous étions si fatigués de toute notre nourriture. La boîte ouverte, le contenu paraissait assez appétissant. Nous en étalâmes sur une crêpe et nous la roulâmes. Mon bébé en goûta. Il fit une vilaine grimace et ne voulut pas continuer de manger. L'autre petit y goûta et le trouva bon. Je l'ai goûté à mon tour. Le goût en était horrible. Je voulus jeter la boîte. Le petit garçon s'est mis en colère et il a beaucoup pleuré. Ce pâté était fait de chair de souris. On n'avait pas même retiré la peau, ce qui donnait un goût infect. L'âne a été très apprécié. On l'a vendu sous le nom de veau habituellement. Pendant le siège, le chien, on l'a vendu sous le nom soit de loup, soit de mouton. Et Théophile Gautier et Goncourt racontent que chez Brébant, qui était un des grands restaurants de l'époque, ils ont mangé des gigots de chien et autres. Le chien a été beaucoup moins apprécié comme qualité de viande que le chat. Mais le comportement des animaux domestiques a changé au cours du siège. Au début du siège, les animaux ont râlé parce qu'on réduisait leur pâté. Et puis un jour, ils se sont rendus compte que les maîtres avaient tendance, au lieu de les caresser, à les palper pour voir l'état de leur musculature et de leur graisse. Et ce jour-là, il a dit que les chats étaient plus méfiants que les chiens. Et les chats sont partis se cacher dans les caves ou au fin fond des greniers ou sur les toits, alors que les chiens ont souvent fini dans la casserole dans ces conditions. Voilà donc un extrait du documentaire que vous avez signé, Anaïs Kien, avec Thomas Duterre, et qui sera diffusé demain dans la Fabrique de l'Histoire entre 9h05 et 10h, consacré au siège de Paris, bien entendu. Festin de siège. Festin de siège en 1870, donc la viande dans tous ses états. Et nous continuerons cette semaine en nous intéressant à la question de la découpe de la viande en particulier, mais aussi de l'anthropophagie. Ça sera mercredi. Cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Clément Daté nous a accompagnés à la technique aujourd'hui et Thomas Duterre à la réalisation.